Bonjour à tous et bienvenue pour le 11e podcast footballride.com spécial Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, avant-match du choc en 8e de finale qui opposera l'Angleterre à l'Allemagne. Et tout ça, ce sera donc avec Baptiste qui est avec nous comme tous les jours. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Vincent, salut à tous. Et Vincent est de nouveau avec nous. Vincent qui, comme vous le rappelez, avait participé à un précédent podcast, qui est membre de l'association Arsenal France que vous pouvez retrouver sur arsenalfrance.fr et donc qui a décidé de revenir un peu avec nous pour ce podcast. Salut Vincent. Salut Albertine, salut Baptiste et bonjour à tous. Bon alors, on va profiter notamment de ce podcast, Baptiste, pour peut-être revenir sur les tours de poule de ces deux équipes qui étaient, au vu de leur groupe, largement donnés vainqueurs. L'Allemagne qui était donc dans le groupe de la Serbie, du Ghana et de l'Australie, qui termine première de son groupe après une deuxième victoire face au Ghana, donc ils avaient gagné contre le Ghana et contre l'Australie, et ils ont perdu contre la Serbie. Baptiste, si tu devrais faire un bilan en fait de cette phase de poule pour les Allemands, tu dirais quoi ? Époustouflante au début, décevante vers la fin et rassurante pour le dernier match. Oui, bah, bon, je serais pas aussi catégorique que Baptiste. Je pense que l'Allemagne sur le premier match a eu la chance de rencontrer en face l'Australie, donc une équipe pas forcément bien en place défensivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il y a, on va dire, des choses au niveau de l'arbitrage sur le deuxième match qui peuvent quand même se discuter et qu'on peut remettre en cause certaines choses. Je pense que l'Allemagne est restée bien en place, sereine. Moi, j'ai particulièrement été vraiment époustouflé par le sélectionneur allemand qui a gardé son calme, qui a fait bien travailler son équipe. Donc, ils sont restés sur leur dynamique. Et résultat, ça s'est vu sur le dernier match où ils n'ont pas paniqué et où ils ont bien géré avec en face un Ghana qui a mis quand même... La sauce pour essayer de gagner le match. Au niveau du sélectionneur, il était quand même assez énervé, Joachim Löw, quand il a vu que son équipe peinait face à la Serbie. Mais je suis plutôt d'accord avec toi, en fait, Vincent, quand tu parles de l'Allemagne, notamment face à la Serbie, parce qu'ils ont vraiment failli égaliser en fin de match, alors que la Serbie était pourtant en supériorité numérique, et donc ils se sont fait battre quand même par une équipe de Serbie qui aura vachement déçu. Elle termine quand même quatrième d'un groupe, elle se fait battre par l'Australie en dernier match, donc... Moi, la Serbie ne m'a pas spécialement déçu. Franchement, je n'attendais pas plus de la Serbie par rapport à ce qu'on avait pu voir en qualification contre la France. Qui avait, le match retour, notamment en Serbie, si la France n'est pas à un moins avec l'exclusion de Loris, les Serbes sont complètement la ramasse. C'est simplement que nous, on était encore plus mal que ça. Et voilà, la Serbie, à part défensivement, n'a pas prouvé grand-chose. Elle se fait battre par l'Australie quand même. Oui, voilà, exactement. Je pense qu'ils ont lâché après complètement. À mon avis, ils avaient beaucoup d'ambition et pas forcément les moyens d'y arriver. Ouais. Je reste époustouflé par le fait que leurs défenseurs mettent des mains comme ça dans la surface. C'est, ouais, c'est pour moi une preuve que si c'est, ils sont impuissants, quoi. Ils mettent des mains, j'ai l'impression de voir des enfants de 5 ans qui jouent au foot. Bah, quand on voit la Slovaquie hier gérer son match de façon vraiment très très performante et sereine, voilà, il y a clairement une différence, même par rapport à deux pays qui sont, on va dire, dans la même zone géographique et qui ont à peu près la même inspiration footballistique. Au niveau de l'Allemagne, quel joueur vous a le plus impressionné durant ces trois matchs ? Est-ce que c'est peut-être Lahm qui a été tout le temps énorme sur son côté droit ? Est-ce que c'est Müller qui est de plus en plus performant malgré son jeune âge ? Est-ce que c'est Özil, 21 ans, et qui détient un peu les clés en fait du jeu allemand avec Schweinsteiger ? Il est positionné devant Schweinsteiger en sélection. Il joue au milieu en Werder de Brême, il a 21 ans. Et il détient un peu les clés de ce jeu. Est-ce qu'à 21 ans, avec une faible quand même expérience internationale, c'est pas un rôle un peu trop dur à assumer pour lui dans cette Coupe du Monde ? C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une surprise. Hein. C'est la surprise du chef de mettre Özil, 21 ans. Déjà au Mondial 2010, il emmène son équipe parce que c'est lui qui est le meneur devant avec Schweinsteiger derrière. Après, Lahm, il confirme qu'il est le capitaine, qu'il est là. On l'a vu contre le Ghana où il est vraiment très important dans les tout derniers gestes ghanéens. Il était toujours là pour dévier la balle, pour la reprendre limite de très, la main sur un corner. Très bon contre le Ghana, ouais, très très bon contre le Ghana. Voilà, il était primordial derrière. Et Özil, moi je pense malheureusement qu'à force d'être dépendant de ce gars-là, on a vu que contre le Ghana, il a été absent pendant tout le match. Il a décoché une frappe qui fait but, mais sinon, c'est pas extraordinaire. Donc si t'es dépendant d'un gars, t'es pas sûr qu'il ait encore franchi le cap, où il est toujours au moins, on va dire, à la moyenne au niveau de son match. Je pense que si tu es dépendant d'un mec qui est capable de passer à côté d'un match, bah, ton équipe n'est pas encore assez fiable. Donc c'est un rôle trop important pour lui peut-être à avoir. C'est un rôle qui lui vient trop. Mais en même temps, je ne vois pas d'autres personnes pouvant prendre ce rôle, parce qu'on parlait de Trochowski juste avant le début de la Coupe du Monde au milieu de terrain allemand, et on l'a vu rentrer. Moi, j'ai pas été persuadé non plus. Donc, je pense que, voilà, en l'absence de Ballack, c'est un de ceux, pour moi, qui sont indiscutables au milieu. C'est le pari de la jeunesse, et je pense que Löw a bien senti qu'il y avait du potentiel. De toute façon, c'est certain que Ozil, c'est un sacré joueur. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans la configuration, notamment du match contre le Ghana, donc sans Klose avec Kakao à la place, qui, moi, Kakao, je pense que c'est un gars qui, sur le banc, peut apporter sur les 20 dernières minutes, mais pas sur un match complet, c'est pas Klose. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc derrière Ozil, c'est un pari. Maintenant, il faut quand même pas perdre de vue que le milieu de terrain, c'est certes Ozil qui mène, qui a la baguette, mais derrière, il y a un mec comme Schweinsteiger qui a quand même fait un super match aussi, mine de rien, contre les Galas. Finalement, je pense que Löw a surtout essayé de miser sur le binôme. Et je ne suis pas certain qu'il soit beaucoup trompé. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal comme formule. Après, derrière, moi, le joueur qui m'a vraiment époustouflé, c'est Lame. Voilà, enfin, je veux dire, son intervention défensive sur l'occasion ghanéenne, il revient de son côté, il met tout ce qu'il a pour venir contrer la frappe. Enfin, ça, c'est, voilà, ça, c'est du football défensif, mais avec la volonté vraiment d'être dans l'esprit du jeu. Et moi, vraiment, ce mec-là m'a impressionné. Et je pense que, si toute l'équipe est tirée vers le haut comme ça, ils peuvent peut-être quand même faire quelque chose. Moi, je les vois faire quelque chose contre l'Angleterre. Je suis pas vraiment, je m'avance, mais moi, pour moi, ils vont passer. Lame, qui a quand même que 26 ans, c'est assez énorme ce qu'il peut donner sur un terrain pour cet âge, et l'expérience qu'il a déjà en équipe nationale, c'est le capitaine, etc. Et pourtant, il a que 26 ans. Il fait partie des vétérans, quoi. Ouais. Mais c'est ce qui prouve encore la grande jeunesse en fait de l'équipe allemande, parce que si un vétéran est si un joueur de 26 ans est considéré comme un vétéran en équipe allemande, ça prouve bien toute la jeunesse qu'il y a derrière, et ce qui fait notamment que la moyenne d'âge en ce moment en Allemagne dans l'équipe nationale c'est 25 ans, alors qu'en Angleterre c'est quand même 28 ans et demi. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, ce que va devoir faire la France, c'est de raser toutes les grosses individualités allemandes trop vieilles qu'on a nous aussi dans l'équipe. Et de repartir sur de nouvelles bases. Donc forcément, tu vas avoir des échecs parce que tu ne peux pas repartir avec des gamins de 20 ans et tout gagner. Mais pour m'être un peu renseigné sur le profil de Mesut Özil, il a gagné avec l'Allemagne des 21 ans, la Coupe du Monde, pas mal de titres avec les jeunes équipes allemandes pour montrer le potentiel qu'il y a derrière. Lame, c'est le vétéran, c'est celui qui doit un peu mener son équipe. Avec Schweinsteiger, ils étaient déjà là il y a 4 ans. Après, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Klose, il y a peut-être Gomez qui était là il y a 4 ans. Mais Podolski était là il y a 4 ans. Et ils sont une demi-dizaine sur 23 joueurs. Ah. Et là, mais Schweinsteiger qui pourrait très bien disputer la Coupe du Monde 2014 quand même. Ah oui, carrément. Là, l'Allemagne a vraiment réussi son pari. Ça lui a pris du temps, mais a vraiment réussi, ou est en passe en tous les cas de réussir son pari, comme disait Baptiste, de miser sur la jeunesse, sur des mecs qui ont pris de la bouteille et qui maintenant arrivent à une forme de maturité. Mais c'est plus ou moins dans la grande tradition allemande. Je sais pas, Matthäus avait commencé, je crois, à 18 ans en sélection. Il était en 82. Et puis on a vu après derrière ce que ça a donné. Donc il y a aussi une vraie tradition. Ils prennent le temps de le faire et ils le font de façon intelligente. Ça semble payer aujourd'hui. Tant mieux pour eux. Donc en fait, c'est comme une des forces de l'Allemagne, c'est de tenter très vite de faire entrer les joueurs en sélection. Et je pense que c'est notamment un élément moteur pour les jeunes joueurs qui savent qu'ils auront tout de suite une chance en sélection, en fait. Ils l'ont pas fait d'eux-mêmes, en fait. Ils ont été obligés, contraints de le faire, parce que c'est le football, il faut que tu fasses ça à un moment. Et c'est pas forcément de gaieté de cœur qu'ils ont fait ça, parce qu'ils prenaient vraiment beaucoup de risques. Et après, ils ont eu le potentiel derrière qui a suivi, parce que sortir un Ozil comme ça, sortir aussi un Khedira au niveau du milieu de terrain qui m'a aussi impressionné. Les joueurs comme ça, c'est les années 87-88. T'as Thomas Müller aussi, il faut en parler. Né en 1988 aussi, t'as Marco Marin qui rentre souvent en fin de match, qui lui a à peine 21 ans. Enfin, c'est impressionnant, c'est des jeunes joueurs mais qui ont déjà l'étoffe de titulaire en équipe nationale. On peut peut-être parler un peu de l'Angleterre, parce que c'est quand même pas du tout la même équipe. C'est une équipe qui se base quand même sur des grosses individualités vieillissantes quand même, parce que Gerrard, Lampard, ils sont plus tout jeunes, etc. Et donc une équipe d'Angleterre qui a joué contre la Slovénie pour son dernier match, qui a gagné 1-0, qui avant avait rencontré les États-Unis en faisant match nul 1 partout, on se souvient de la grosse bourde du gardien anglais, et qui avait aussi fait match nul 0-0, il me semble, face à l'Algérie. Un mot sur la phase de poule de l'Angleterre, Vincent, par exemple? L'Angleterre, je pense, paye d'abord la cascade de blessures et de défections pré-Coupe du Monde. Le problème véritablement de l'Angleterre, je crois, c'est que la quasi-totalité, sinon la totalité des joueurs de la sélection jouent dans le championnat anglais. Et à part la Coupe d'Europe, ils ne sont pas forcément confrontés à une grosse concurrence en face. Je ne dis pas qu'ils sont surcotés, c'est d'excellents joueurs. Simplement, quand ils arrivent dans un autre contexte, il faut qu'ils jouent ensemble et qu'ils se confrontent aussi à un autre type de football et surtout à un autre type d'arbitrage. Pour suivre un petit peu le championnat anglais depuis quelques temps maintenant, je dois quand même reconnaître que des joueurs comme Terry et Lampard et Gerrard, de façon vraiment hallucinante, sont pas trop mal favorisés par l'arbitrage anglais. Je ne vais pas m'attirer que des amitiés en disant ça, mais il faut dire ce qui est, c'est la réalité. Ça n'enlève pas leur qualité défensive ou de technique. Ça, c'est quand tu es un grand joueur, forcément, tu as plus d'aura. Zidane, il pouvait tomber quand il voulait, il y avait faute. Parce que voilà, c'est Zidane qui tombe et on sait que... voilà. Ah, je te rappelle que Zidane s'est pris un carton rouge en Coupe d'Europe qui lui coûte soi-disant le ballon d'or sur une faute qui était, bon, certes un coup de pied, mais suite à une faute derrière... La plupart du temps, il pouvait provoquer autant de fautes qu'il voulait et l'arbitre le suivait. Parce que, Zidane n'a jamais... J'ai jamais vu Zidane plonger comme le fait Gerrard. Il l'a fait encore une fois. Il le faisait quelques fois et quelques fois, ça marchait très très bien. C'est, quand t'es un grand joueur, t'as l'influence qui va avec. Non, mais au-delà de ça, je pense que c'est un petit peu tronqué. Et malheureusement, il le paye aujourd'hui. Et surtout, Terry, en club, a derrière lui un grand gardien. C'est pas le meilleur gardien du monde. Peut-être. Voilà, et Petr Cech qui rassure quand même pas mal. Là, encore le dernier match de l'Angleterre, on a vu Terry faire une passe plein axe hallucinante, provoquer un but. Les Slovènes se sont enfoncés dans la défense anglaise de façon relativement facile. Ils n'ont pas su le mettre au fond, mais c'était pas très loin. Donc ça reste la Slovénie. Moi, je suis inquiet quand on ajoute à ça Rooney. Qui absolument passe à côté de sa Coupe du Monde actuellement, il va peut-être se réveiller, hein. C'est un très grand joueur, mais il passe à côté de sa Coupe du Monde, et qu'on ajoute aussi à ça le fait que Matthew Hobson, en défense centrale, n'est pas du tout spécialiste du poste tel quel comme ça, et n'a pas fait une très grande saison avec Aston Villa, il faut le dire aussi, avec West Ham, bon, voilà, ça fait beaucoup de choses, plus un gardien de but qui change beaucoup, plus voilà, il y a trop d'inconnus et d'inconstances dans l'équipe anglaise. Mais Vincent, quand tu dis que peut-être un des défauts que peut rencontrer l'équipe anglaise, c'est le fait que tous les joueurs jouent quasiment dans le championnat anglais. Mais en Allemagne, c'est exactement pareil. Enfin, ils jouent tous en Bundesliga. Enfin, notamment après le forfait de Ballack, parce que je crois que Ballack était le seul joueur qui jouait autre part qu'en Bundesliga, parce qu'il joue à Chelsea. Et d'ailleurs, il va revenir dans le championnat allemand. On en profite pour dire qu'il va aller à Leverkusen. Voilà. Comment tu peux expliquer qu'en Allemagne, ça amène peut-être pas trop d'éléments négatifs, le fait que tous les joueurs jouent dans le même championnat, alors qu'en Angleterre, si. Je pense surtout que, sans dévaloriser le championnat allemand, qui est un excellent championnat, je ne le suis pas énormément beaucoup, mais j'en suis convaincu, je pense qu'il y a une exposition qui n'est pas la même. L'Angleterre reste le premier championnat européen en termes de visuel, au niveau des annonceurs, etc. Il y a peut-être aussi plus d'équipes qui peuvent prétendre au titre en Angleterre, et c'est peut-être là que vient une grande opposition qui leur... Non, je crois pas. Je pense surtout qu'il y a une forme un petit peu de chauvinisme, entre guillemets, qui peut aussi exister en France, hein, mais un petit peu de chauvinisme côté anglais qui fait qu'on ne va pas forcément sanctionner de la même façon un joueur anglais, surtout s'il a de l'aura, comme disait Baptiste tout à l'heure. Voilà, et je pense que là, aujourd'hui, il y a le revers de la médaille. Ça leur permet d'avoir des matchs vraiment très intéressants, des champions vraiment... méritant, mais quand il faut se confronter à autre chose, c'est difficile. Et même un grand technicien comme Capello, ça s'est vu contre l'Algérie où il n'en pouvait plus sur son banc de touche à se taper la tête contre les murs et à hurler dans tous les sens, ça s'est vu qu'il a senti les limites. Mais bon, je pense principalement surtout, ce qui pose un problème à l'Angleterre, c'est qu'il y a eu énormément de défections, notamment défensives, et qu'ils n'ont pas forcément leur meilleur joueur dans ce domaine-là, leur meilleur joueur au poste. Mais c'est horrible de dire quand même que cette équipe d'Angleterre, composée des Gerrard, des Lampard, des Beckham, bon là, qui est peut-être pas à son meilleur niveau, étant donné qu'il est blessé en plus, mais c'est dur de voir que cette génération, en fait, n'aura rien gagné, que ce soit en Europe ou ou en Coupe du Monde en sélection, alors que c'est une des générations les plus belles, en fait, de... C'est une génération dorée pour eux, mais malheureusement, ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Oui, c'est leur génération dorée, parce que ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu ça, quoi. Je pense qu'ils sont toujours en course. Ils peuvent se réveiller contre l'Allemagne et faire quelque chose. Parce qu'ils ont en même temps l'entraîneur, je pense, un des meilleurs entraîneurs pour ça. Et s'ils sont passés et qu'ils sont pas encore la tête sous l'eau, c'est parce qu'il y a un entraîneur qui doit bien gueuler dans les vestiaires. Mais bizarrement, il n'y a toujours pas de réveil. Même contre la Slovénie, où on pensait pouvoir enfin avoir une bonne équipe d'Angleterre, ils étaient stressés. Ils jouent toujours avec Rooney en 9,5 plus que devant, et ça me perturbe toujours un peu. En relayeur, en fait. Voilà. Et je pense qu'il aurait peut-être fallu faire une autre tactique pour jouer plus pour Rooney et Gerrard que pour là c'était Jermaine Defoe, mais par exemple pour Eski, qui pour moi n'a plus du tout sa place en équipe nationale. Bah, Eski peut rentrer sur une fin de match, bouger un peu les défenseurs fatigués, arriver à... Parce que c'est un gabarit quand même. Voilà. Non, mais il y a surtout le problème, c'est que c'est le sempiternel problème. Ça fait des années que ça dure et ils n'ont jamais, jamais trouvé la solution, ni Capello, ni personne avant. C'est que Lampard et Gerrard ne savent pas jouer ensemble. Ça paraît aberrant quand on voit le niveau technique de ces deux joueurs, ce qu'ils peuvent apporter. Je complète pas. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Mais est-ce qu'ils n'ont pas deux profils trop similaires, justement ? Si, certainement. Certainement, certainement. Alors, on sait que Beckham est blessé au tendon d'Achille et ne peut donc pas disputer cette Coupe du Monde. Baptiste, tu te souviens, quand on avait rencontré Philippe Auclair, il nous avait dit « Oh, de toute façon, Beckham, sa blessure n'est pas trop grave pour l'équipe d'Angleterre. Il serait rentré à la 64e minute d'Angleterre, États-Unis, les Anglais auraient mené 2-0. Et l'affaire aurait été alors pliée. » Pas du tout ça qui s'est passé. Est-ce qu'un Beckham aurait pu être un joueur intéressant à cette Coupe du Monde, notamment au niveau de l'association entre Gerrard et Lampard ? Quand on voit Lampard et Gerrard qui ne se complètent pas, et qu'on voit qu'on va faire jouer un petit Barry, par exemple, je pense qu'il aurait pu être important. Maintenant, oui, pas en titulaire, parce qu'il n'aurait pas eu le... C'est comme Henry, je pense qu'il n'aurait pas pu faire 90 minutes. Mais toujours important d'avoir un Beckham. Enfin, ça reste David Beckham, ça reste l'icône, le sex symbole anglais et le symbole aussi sur le terrain, heureusement. Maintenant, je ne suis pas persuadé, moi, par la tactique, et je ne sais pas si Beckham aurait vraiment eu sa place au niveau du jeu. Je pense qu'il aurait, comme l'a dit Philippe Auclair, été plus une solution sur le banc que sur le terrain en tant que titulaire. Bah, quand on voit qu'on a quasiment pas vu, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais il me semble pas avoir beaucoup vu quelqu'un comme Michael Carrick. Enfin, quand tu vois la saison, certes, ils ne sont pas champions, mais qu'il fait avec Manchester, ouais, et notamment depuis énorme. Deux saisons. Bon, voilà, après, moi, je ne remets pas en cause quelqu'un comme Capello, que j'admire, qui est un immense entraîneur, mais je pense que même pour lui, la tâche était. C'était les 12 travaux d'Hercule. Même des joueurs comme Huddleston de Tottenham. Oui. Tottenham fait une super fin de saison. Il a choisi de prendre des joueurs de Tottenham en plus. Après, il a pris Lennon. Il a titularisé Lennon sur, en tout cas, les deux premiers matchs. Je ne sais pas s'il l'a fait contre la Slovénie, mais c'était payant sur certaines phases. Mais tu sens que c'est déjà un peu plus payant que des vieux, parce que c'est le genre de gars qui a envie, qui a vraiment envie. Il a fait une super fin de saison, Lennon. Voilà. Il a fait une super fin de saison. Il mérite vraiment sa sélection. Ouais. Mais bon. Alors, qu'est-ce que doit changer l'Angleterre pour pouvoir contrer cette équipe d'Allemagne ? Parce que si on réfléchit, en fait, l'Angleterre, c'est plusieurs individualités très très fortes au sommet de leur art dans leur club respectif. Tandis que l'Allemagne, c'est peut-être des joueurs évoluants dans un championnat qui est encore considéré en dessous des autres. Moi je pense que c'est faux, mais bon, on pourra en revenir dessus un autre jour. Et peut-être pas des individualités énormes, mais plutôt un bon collectif. Donc, comment doit gérer l'Angleterre pour réussir à trouver enfin un collectif pour contrer celui de l'Allemagne, en fait ? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème à peu près à tous les étages dans cette équipe. C'est-à-dire qu'en défense, tu sens le manque de Ferdinand. Le deuxième problème en défense, c'est quand même d'avoir jamais eu des excellents gardiens. Et là, ils ont repris James, qui est quand même 40 ans, qui est connu spécialement pour ne pas faire deux bons matchs d'affilée. Donc là, tout le monde l'attend sur le match contre l'Allemagne. Au milieu, t'as Lampard et Gerrard qui savent pas jouer ensemble. On cherche toujours les solutions. Et devant, t'as un Rooney qui est complètement en panne. Et on fait jouer un Jermaine Defoe qui est a priori meilleur que Rooney sur les trois premiers matchs. Quand il est rentré, pour moi, il a montré vraiment que... Déjà, il finit sur une très très bonne fin de saison, comme tu l'as dit, Vincent. Mais en plus, il est virevoltant. C'est un petit gabarit, mais très impressionnant, très rapide, et à mon avis, qui sera peut-être plus efficace que Rooney. Et c'est dommage, parce qu'on attend vraiment Rooney. On attendait Rooney et Drogba. Pour l'instant, on est un peu déçus, même si Drogba termine dans le groupe de la mort et que ça va être très compliqué pour son équipe. Je pense qu'on peut être déçus. Mais je pense que Rooney, il y a peut-être son placement aussi, mais il y a surtout sa blessure. Enfin, moi, j'ai toujours pas l'impression qu'il soit remis de sa blessure. Exactement, non, tu as tout à fait raison, Albertine. Il a joué sous infiltration quasiment les deux derniers mois, je crois, ou le dernier mois du championnat d'Angleterre. Ils l'ont fait revenir alors qu'il avait une cheville en miettes. Moi, je trouve que c'est à la limite de l'inconscience. Maintenant, Ferguson, ça reste aussi un très grand entraîneur, technicien, mais il en avait besoin, il a pris le risque. C'est la sélection qui paye. Et je pense que Rooney va peut-être même le payer plus longtemps que ça. Je ne sais pas trop comment va se passer sa saison l'année prochaine. Moi, je suis assez inquiet pour lui, parce qu'à son âge, il se payait des infiltrations pour jouer. Moi, je l'ai vu jouer grimaçant. Ouais, mais pas à ce niveau-là. Et on l'a vu ce qu'il a fait. Rooney a... Oui, mais on a vu comment il l'a payé aussi après. Rooney, il s'est quand même blessé face au Bayern au match aller, je crois. Et Ferguson le titularise une semaine après pour le match retour. C'est quand même assez inconscient dans sa tête. Et en championnat, je t'assure, il n'avait pas été bon. Et surtout, il avait très mal. Et ça se voyait. C'est-à-dire que dès qu'il prenait un petit choc, il grimaçait de douleur. Ça s'est vu. Il avait mal. Il n'aurait pas dû jouer cette fois-là. Et je pense que Ferguson a fait un pari. C'était risqué, ça n'a pas rapporté à Manchester et malheureusement ça ne va pas rapporter non plus à l'Angleterre. Alors simplement pour rebondir sur ce que tu disais Baptiste concernant les gardiens, David James effectivement, tout le monde va l'attendre au tournant, maintenant c'est quelqu'un qui est capable de se transcender quand même s'il est réputé pour ses bourdes, c'est aussi celui qui a le plus de sélections au poste. Derrière, il y a un gardien comme Joe Hart qui a fait une saison énorme avec Birmingham, qui appartient à Manchester City mais qui était prêté à Birmingham, qui est un gardien fantastique. Mais jeune, donc je pense que Capello n'a pas envie de miser trop sur la jeunesse. Ouais. Alors juste sur l'aspect tactique par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Albertine, là pour l'instant il joue plus ou moins en 4-4-2 parce que c'est le choix de Capello, c'est un système à l'italienne défensif, enfin pas que défensif mais essentiellement. Derrière, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir des joueurs comme Joe Cole ou des Sean Ryan-Phillippe qui sont capables d'apporter de la vitesse sur les côtés et d'encadrer peut-être Rooney pour lui apporter un peu plus de possibilités, parce qu'on sent que Rooney veut tout faire tout seul devant et qu'il n'est pas aidé, quoi. Alors Rooney, déjà, ça l'énerve vachement de ne pas marquer pour l'instant. Il est frustré, bien sûr, puis il rate un but, je ne vais pas dire facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient été capables de le mettre, mais c'est un but que met Rooney régulièrement en championnat d'Angleterre, l'occasion qu'il rate. Face à la Slovénie. Face à la Slovénie, la petite passe lobée, il contrôle, il se remet sur son bon pied, il l'enroule, elle frôle le poteau. Ça, en championnat d'Angleterre, 9 fois sur 10, ça va au fond. Elle touche le poteau, elle touche le poteau. Elle touche même le poteau, exactement. Oui, elle est déviée par le gardien, elle touche le poteau. Oui, voilà. Le poteau, notamment le poteau droit, ouais. Alors, donc, au vu de ce qu'on dit, là, l'Allemagne est quand même donnée un petit peu favorite quand on sait les problèmes que rencontre l'Angleterre en ce moment, notamment, comme l'a dit Baptiste, c'est un problème à tous les étages et une phase de poule moyenne quand même, d'ailleurs, il termine deuxième hein, derrière les États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a le droit à ce huitième. D'ailleurs, au départ, personne s'y attendait. Hein. Tout le monde s'était dit, bon, Angleterre premier, États-Unis deuxième, Allemagne premier, etc. Donc, on s'y attendait pas. Un pronostic pour terminer, Baptiste, par exemple. Je vois l'Allemagne quand même passer. Mais un réveil anglais me ferait plaisir parce que ça voudrait dire qu'on aurait un match plus accroché que je pense que ça va être. Parce que je vois vraiment l'Allemagne peut-être survoler le match au niveau du jeu. Il y a un collectif que l'Angleterre n'a pas pour l'instant. Et si Capello perd, il aura notamment, enfin, ce sera un de ses premiers échecs en tant qu'entraîneur. Oui, de toute façon, il a dit qu'il assumait la responsabilité, un petit peu comme Lippi hier. C'est la classe à l'italienne, mais bon, c'est comme ça. Moi, je pense que oui, Baptiste a raison, le match va être accroché. Le match va être accroché et les Allemands vont gagner à l'allemande, c'est-à-dire un match solide. Ils vont être un petit peu menacés comme ils ont pu l'être au début par le Ghana. C'est-à-dire ils vont subir et derrière, ils vont quand même finir le match. Moi, je pense que ça va aller au tir au but. Je pense que ça va aller au tir au but et que les Anglais vont finir là-dessus. Moi, l'Allemagne, pour moi, a plus de possibilités et promet plus de choses que l'Angleterre. C'est vrai que ça sera un sacré revers pour l'Angleterre qui avait quand même... Enfin, il y a un tabloïd qui avait dit très easy au moment du tirage au sort, parlant du groupe l'Angleterre. Mais bon, ça sera peut-être utile pour une remise en question aussi pour eux. à voir. Mais moi, je pense que l'Allemagne va aller, va gagner à l'Allemagne. Je pense aussi, je pense surtout, enfin, je suis plus Allemagne, parce que, enfin, il y a plein de joueurs qui jouent au Bayern, donc c'est vrai que ça influence un peu, mais je pense que si l'Allemagne passe, ils ont plus les moyens d'aller plus loin dans la compétition que si l'Angleterre passe. Et moi, après, c'est mon avis. Enfin, si l'Allemagne passe, ça peut être l'Argentine ou le Mexique, donc beaucoup de chances pour que ce soit l'Argentine. Après, ça peut être, si je regarde bien, ça sera peut-être le deuxième du groupe G, donc je dirais Portugal. Et peut-être l'Espagne, ça serait il pourrait y avoir Portugal-Espagne, tu vois, par exemple. Donc, moi, le groupe G, juste rapidement, excuse-moi, juste très très vite, je pense que le groupe G, tout n'est pas encore fait, et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je sens le Brésil faire un carton contre le Portugal, et la Côte d'Ivoire, proche, elle passera peut-être pas, mais proche de passer, parce qu'elle va mettre, à mon avis, la dose contre la Corée du Nord. Tout n'est pas joué dans ce groupe-là. Voilà. Moi, je pense que Brésiliens et Portugais vont pas forcément s'arranger sur le coup. Je pense pas. Voilà. Je pense que ça va jouer, il va y avoir des buts. D'accord. Baptiste, on te remercie pour le podcast. À demain. Ouais, à demain. Si possible, on n'est pas sûr d'en faire un demain, mais bon, on va essayer. Et Vincent, ben merci une deuxième fois pour ta deuxième participation et on te rappellera sûrement pour avoir tes analyses sur le football anglais que tu connais vraiment très bien. Merci beaucoup à toi. Ben, merci beaucoup Alberti de m'avoir invité, c'est avec grand plaisir. Bonne continuation. On vous remercie à tous d'avoir écouté le podcast. Donc on vous donne rendez-vous demain, si possible, pour un nouveau podcast sur le Right. Au revoir à tous. Je suis trop, tu me fais le fou guerrier.